Les découvertes musicales de Fadjet. Après 14 années passées en tant que chanteur, guitariste et leader du groupe La Mine de Rien, Yak s'est lancé dans une formule One Man Band avec laquelle il a pu assurer les premières parties de Brigitte Fontaine, Renan Luce, Miossec, Les Ogres de Barbac, Les Yeux de la Tête, de Paré Combo ou encore Charlie Couture. Novembre marque la sortie d'un EP 5 titres intitulé Silence Radio. Voici le titre « Le son du silence ». Radio, perdu toute ta bande passante, t'es toujours, toujours sur la mauvaise pente. Le son du silence. Je ferme mes persiennes coulissantes quand j'entends malgré moi celui qui chante une énième ode aux thunes et à grand renfort d'autotune. C'était le chanteur Yak avec le titre « Le son du silence », extrait d'un EP intitulé « Silence Radio ».